On s'arrêtait pour nous voir, nous en valions la peine. Poitrine nue et la chemise bouffante à l'air, la cravate autour des reins, le sac à l'épaule, blanc de poussière, hâlé par le soleil, avec nos habits déchirés, nos chaussures usées, rapiécées, nous avions une belle allure vagabonde, insolente et pleine d'orgueil. Le fer de nos souliers sonnait sur le pavé, sur nos dos, nos sacs battaient la mesure, nos bâtons retombaient d'accord, et la fumée de nos pipes s'échappant sur le bord de nos chapeaux se tordait comme un panache. Messieurs les officiers, ébahis de cette tenue, nous regardaient d'un air stupéfait, quelques gamins nous suivaient de loin, et on nous arrêta pour nous demander nos passeports. Il nous fut néanmoins fort agréable, arrivés à l'hôtel, de pouvoir nous rincer à l'eau chaude, de dormir enfin dans un lit propre et de nous asseoir dans un fauteuil. Nous nous plongeâmes dans les délices de la civilisation, nous prîmes un bain et ne mangeâmes point de veau. Lorsqu'on n'est pas ingénieur, constructeur ou forgeron, Brest ne vous amuse pas considérablement. Le port est beau, j'en conviens. Magnifique, c'est possible. Gigantesque, si vous y tenez. Ça impose, comme on dit, et ça donne l'idée d'une grande nation. Mais toutes ces piles de canons, de boulets, d'ancres, le prolongement indéfini de ces quais qui contiennent une mer sans mouvement et sans accident, une mer assujettie qui semble aux galères, et ces grands ateliers droits où grincent les machines, le bruit continuel des chaînes des forçats qui passent en rang et travaillent en silence, tout ce mécanisme sombre, impitoyable, forcé, cet entassement de défiances organisées, bien vite vous encombre l'âme d'ennui et lasse la vue. Elle se promène à satiété sur des pavés, sur des obus, sur les rochers dans lesquels le port est entaillé, sur des monceaux de fer, sur des madriers cerclés, sur des bassins à sec renfermant la carcasse nue des vaisseaux, et toujours se heurte aux murailles grises du bagne, où un homme penché aux fenêtres éprouve le scellement de leurs barreaux en les faisant sonner avec un marteau. Ici la nature est absente, proscrite, comme nulle part ailleurs sur la terre. C'en est la négation, la haine entêtée, et dans le levier de fer qui casse la roche, et dans le sabre du garde-chourme qui chasse les galériens. En dehors de l'arsenal et du bagne, ce ne sont encore que casernes, corps de garde, fortifications, fossés, uniformes, baïonnettes, sabres et tambours. Du matin au soir, la musique militaire retentit sous vos fenêtres. Les soldats passent dans les rues, repassent, vont, reviennent, manœuvrent. Toujours le clairon sonne et la troupe marche au pas. Vous comprenez de suite que la vraie ville est l'arsenal, que l'autre ne vit que par lui, qu'il déborde sur elle. Sous toutes les formes, en tout lieu, à tous les coins, réapparaît l'administration, la discipline, la feuille de papier rayée, le cadre, la règle. On admire beaucoup la symétrie factice et la propreté imbécile. À l'hôpital de la marine, par exemple, les salles sont cirées de telle façon qu'un convalescent, essayant de marcher sur sa jambe remise, doit se casser l'autre en tombant. Mais c'est beau, ça brille, on s'y mire. Entre chaque salle est une cour, mais où le soleil ne vient jamais et dont soigneusement on arrache l'herbe. Les cuisines sont superbes, mais à une telle distance qu'en hiver tout doit parvenir glacé aux malades. Il s'agit bien d'eux. Les casseroles ne sont-elles pas luisantes? Nous vîmes un homme qui s'était cassé le crâne en tombant d'une frégate, et qui depuis 18 heures n'avait pas encore reçu de secours, mais ses draps étaient très blancs, car la lingerie est fort bien tenue. À l'hôpital du bagne, j'ai été ému comme un enfant en voyant sur le lit d'un forçat une portée de petits chats qui jouaient sur ses genoux. Il leur faisait des boulettes de papier et ils couraient après sur la couverture en se retenant au bord avec leurs griffes pointues, puis il les retournait sur le dos, les caressait, les embrassait, les mettait dans sa chemise, renvoyé au travail plus d'une fois sans doute sur son banc quand il sera bien triste et bien là. Il rêvera à ces heures tranquilles qu'il passait, seul avec eux, à sentir dans ses mains rudes la douceur de leur duvet et leur petit corps chaud se tapir sur son cœur. J'aime à croire cependant que le règlement interdit ces récréations et que c'était sans doute une charité de la religieuse. Au reste, pas plus là qu'ailleurs, la règle n'est sans exception. Outre que d'abord la distinction des rangs ne s'efface pas, quoi qu'on dise, l'égalité étant un mensonge, même au bagne, car du bonnet numéroté sort parfois quelques chevelures finement parfumées, comme sur le bord de la chemise rouge se relève souvent un bout de manchette entourant une main blanche. Il y a de plus des faveurs spéciales, pour certaines professions, pour certains hommes. Comment ont-ils pu, malgré la loi et la jalousie de leurs camarades, conquérir cette position excentrique qui en fait presque des galériens amateurs et qu'ils gardent cependant comme un fait acquis sans que personne ne la leur dispute. À l'entrée du chantier où l'on construit des canaux, vous trouvez une table de dentiste munie de tous les ustensiles de la profession. Sur la muraille, dans un joli cadre vitré, s'alignent des râteliers entrebâillés auprès desquels l'artiste debout vous fait sa petite réclame quand vous passez. Il reste là toute la journée dans son établissement, occupé à polir ses outils et à enfiler ses chapelets de molaires. Il y peut, loin de tout gardien, causer à l'aise avec les promeneurs, apprendre des nouvelles du monde médical, exercer son industrie comme un homme patenté. À l'heure qu'il est, il doit éthériser. Un peu plus, il aurait des élèves et ferait des cours. Mais l'homme le mieux posé est le curé de la Collonge. Médiateur entre la chourme et le banc, le pouvoir s'en sert pour agir sur les galériens qui, de leur côté, s'adressent à lui pour obtenir des grâces. Il habite à part, dans une petite chambre fort propre, a un domestique pour le servir, mange de grands saladiers de fraises de Plougastel, prend son café et lit les journaux. Messieurs les ecclésiastiques, d'ailleurs, jouissent d'égards tout particuliers. Ils se réunissent, ont entre eux des conférences religieuses, servent la messe, confessent, ferait communier avec plaisir. C'est un petit séminaire, une aumônerie. Il ne manque que le costume pour que l'illusion soit complète. Si de la Collonge est la tête du bagne, c'est Ambroise qui en est le bras. Ambroise est un magnifique nègre de près de 6 pieds de haut et qui eut fait au XVIe siècle un admirable bravo pour un homme de qualité. Héliogabal devait nourrir chez lui quelques drôles de cette façon pour s'amuser, en soupant, à le voir étouffer à bras-le-corps un lion de Numidie, ou assommer à coups de poing les gladiateurs. Il a une peau luisante d'un noir uni, avec un reflet bleu d'acier, une taille mince, vigoureuse comme celle d'un tigre, et des dents si blanches qu'elles en font presque peur. Roi du bagne, de par le droit du muscle, on le redoute. On l'admire. Sa réputation d'Hercule lui fait un devoir d'essayer les arrivants, et jusqu'à présent ses épreuves ont toutes tourné à sa gloire. Il ploie les barres de fer sur son genou, lève 3 hommes au bout du poing, en renverse 8 en écartant les bras, et quotidiennement mange 3 portions, car il a un appétit démesuré, des appétits de toute nature, une constitution héroïque. Son mignon est un jeune arabe, dont il est jaloux à la fureur et qui lui reste fidèle dans la crainte de mourir. Nous le vîmes au jardin botanique en train d'arroser les plantes. On le trouve par là, dans sa serre chaude, derrière les aloès et les palmiers nains, occupé à remuer le terreau des couches ou à nettoyer les châssis. Les jeudis, jour d'entrée publique, Ambroise y reçoit ses maîtresses derrière les caisses d'orangers et il en a plusieurs, plus qu'il n'en veut. Il sait en effet s'en procurer, soit par ses séductions, soit par sa force ou par son argent dont il porte habituellement quantité sur lui et qu'il jette royalement dès qu'il s'agit de réjouir sa peau noire. Aussi est-il fort couru d'une certaine classe de dames et peut-être que les gens qui l'ont mis là n'ont jamais été si fort aimés. Au milieu du jardin, dans un bassin d'eau claire, couvert de plantes sur les bords qu'ombrage un saule pleureur, il y a un cygne. Il s'y promène, d'un coup de patte, le traverse en entier, en fait 100 fois le tour et ne songe plus à en sortir. Pour passer le temps, il s'amuse à gober les poissons rouges. Plus loin, le long du mur, on a bâti quelques cages pour recevoir les animaux rares venus d'outre-mer destinés au muséum de Paris. Elles étaient vides, la plupart. Devant l'une d'elles, dans une étroite cour grillée, un forçat chaussé de bottes fines instruisait un petit chat-tigre et lui apprenait comme à un chien à obéir à la parole. Il n'a donc pas assez de la servitude, celui-là. Il la déverse sur un autre. Les coups de gourdin dont on le menace, il les donne au chat-tigre, qui, un beau jour sans doute, s'en vengera en sautant par-dessus son grillage et en allant étrangler le cygne. Un soir que la lune brillait sur les pavés et que les bons bourgeois de Brest dormaient dans les bras de leurs épouses ou de leurs servantes, nous nous mîmes en devoir d'aller nous promener dans les rues dites infâmes. Elles sont nombreuses. La troupe de ligne, la marine, l'artillerie ont chacune la leur, sans compter le bagne qui, à lui seul, a tout un quartier de la ville. Cette ruelle parallèle, aboutissant derrière ses murs, compose ce qu'on appelle Kéravel, qui n'est remplie que par les maîtresses des gardes-chiourmes et des forçats. Ce sont de vieilles maisons de bois tassées l'une sur l'autre, ayant toutes leurs portes fermées, leurs fenêtres bien closes, leurs auvents bouchés. On n'y entend rien, on n'y voit personne. Pas une lumière aux lucarnes. Au fond de chaque ruelle, seulement un réverbère que le vent balance fait osciller sur le pavé ses longs rayons jaunes, le reste n'en est que plus noir. Au clair de lune, ces maisons muettes, à toits inégaux, projetaient des silhouettes étranges. Quand s'ouvrent-elles? À des heures inconnues, au moment le plus silencieux des nuits les plus sombres. Alors y entre le garde-chiourme qui s'esquive de son poste, ou le forçat qui s'échappe de son banc, souvent tous deux de compagnie, s'aidant, se protégeant. Puis, quand le jour revient, le forçat escalade le mur, le garde-chiourme détourne la tête, et personne n'a rien vu. Dans le quartier des matelots, au contraire, tout se montre et s'étale. Il flambe, il grouille. Les joyeuses maisons vous jettent, quand vous passez, leur bourdonnement et leur lumière. On crie, on danse, on se dispute, on s'amuse. Dans de grandes salles basses du rez-de-chaussée, des femmes en camisole de nuit sont assises sur des bancs le long de la muraille blanchie où un quinquet est accroché. D'autres, sur le seuil des portes, vous appellent et leurs têtes animées se détachent sur le fond du bouge éclairé où retentit le choc des verres avec les grosses caresses des hommes du peuple. Vous entendez sonner les baisers sur des épaules charnues et rire de plaisir au bras de quelque matelot bruni qui la tient sur ses genoux. La bonne fille rousse, dont la gorge débraillée s'en va de sa chemise, comme sa chevelure, de son bonnet. Ceux qui sont dehors viennent regarder à travers les carreaux ou causent doucement avec quelques aigriardes, à moitié nues, qui se penchent sur leur visage. Les groupes stationnent et les attendent. Cela se fait sans façon et comme l'envie vous y pousse. Entre voyageurs consciencieux et qui veulent étudier les choses de près, nous entrâmes. Mais ça se fait, et ça ne se dit pas. Mais c'est inconvenant. Voici un livre dégoûtant. Comment aller chez les filles et l'écrire encore? Où en sommes-nous? Quelle révoltante littérature! L'impudence ne va pas plus loin. C'est d'un cynisme, d'une immoralité. Comment ne pas rougir? Nous entrâmes dans l'un de ces établissements que la Providence a placés dans les villes comme de fétides mais utiles égouts, ainsi que disent les économistes. Il n'était ni des derniers, encore moins des premiers. Dans un salon tendu de papier rouge, trois ou quatre demoiselles étaient assises autour d'une table ronde, et un amateur en casquette qui fumait sa pipe sur le sofa nous salua poliment quand nous entrâmes. Elles avaient des tenues modestes et des robes parisiennes. Les meubles d'acajou étaient couverts d'Utrecht rouge, le pavé ciré, et les murs ornés des batailles de l'Empire. Ô vertu, tu es belle, car le vice est bien bête. Ayant près de moi une femme dont les mains auraient suffi pour abattre le satyriasis le plus robuste, et ne sachant donc que faire, nous payâmes à boire à la compagnie. Or j'allumai un cigare, m'étendis dans un coin, et là, fort triste et la mort dans l'âme, pendant que la voix éraillée des femelles glapissait et que les petits verres se vidaient, je me disais, où est-elle? Où est-elle? Est-ce qu'elle est morte au monde? Et les hommes ne la reverront-ils plus? Elle était belle jadis, au bord des promontoires, montant le péristyle des temples, quand sur ses pieds roses traînait la frange d'or de sa tunique blanche, ou lorsque, assise sur des coussins persiques, elle devisait avec les sages, en tournant dans ses doigts son collier de camée. Elle était belle, debout, nue sur le seuil de sa cella, dans sa rue de Subur, sous la torche de résine qui pétillait dans la nuit, quand elle chantait lentement sa complainte capanienne et qu'on entendait sur le tibre de longs refrains d'orgie. Elle était belle aussi, dans sa vieille maison de la cité, derrière son vitrage de plomb, entre les étudiants tapageurs et les moines débauchés, quand, sans peur des sergents, on frappait fort sur les tables de chêne, les grands pots d'étain, et que les lits vermoulus se cassaient sous le poids des corps. Elle était belle, accoudée sur un tapis vert et guignant l'or des provinciaux, avec ses hauts talons, sa taille de guêpe, sa perruque à frimas dont la poudre odorante lui tombait sur les épaules avec une rose de côté, avec une mouche sur la joue. Elle était belle encore parmi les peaux de bique des cosaques et les uniformes anglais, se poussant dans la foule des hommes et faisant luire sa poitrine sur la marche des maisons de jeu sous l'étal des orfèvres, à la lueur des cafés, entre la faim et l'argent. Que pleurez-vous ? Est-ce la monarchie ? Sont-ce les croyances ? Est-ce la noblesse ou le prêtre ? Moi, je regrette la fille de joie. Sur le boulevard, un soir encore, je l'ai vue passer, au feu du gaz, alerte, muette, lançant ses yeux, et glissant sur le trottoir sa semelle traînante. J'ai vu sa figure pâle au coin des rues et la pluie tomber sur les fleurs de sa chevelure. Quand sa voix douce appelait les hommes, et que sa chair grelottait sur le bord du satin noir. Ce fut son dernier jour. Le lendemain, elle ne reparut plus. Ne craignez point qu'elle revienne, car elle est morte maintenant, bien morte. Sa robe est haute, elle a des mœurs, elle s'effarouche des mots grossiers, et met à la caisse d'épargne les sous qu'elle gagne. La rue balayée de sa présence a perdu la seule poésie qui lui restât encore. On a filtré le ruisseau, tamisé l'ordure. Voilà ce que je me disais sur le sofa de ces dames, tout en mâchant mon cigare éteint. Je n'y fis pas autre chose, et, en nous en retournant, nous déplorions dans nos âmes le type perdu dont la plate caricature nous avait glacé d'ennui. Autrefois, lorsqu'on se promenait, on avait chance aussi de rencontrer des ours, des batteleurs, des tambours de basque, des singes habillés de rouge, dansant sur le dos d'un dromadaire, mais tout cela est également parti, est également chassé, proscrit, sans retour. La guillotine est hors barrière et fonctionne en cachette. Les forçats vont en voiture fermée et les processions sont défendues. Dans quelque temps, les saltimbanques aussi auront disparu pour faire place aux séances magnétiques et aux banquets réformistes. Et la danseuse de cordes bondissant dans l'air, avec sa robe pailletée et son grand balancier, sera aussi loin de nous que la bayadère du Gange. De tout ce beau monde coloré, bruissant comme la fantaisie même, si mélancolique et si sonore, si amer et si folâtre, plein de pathétiques intimes et d'ironies éclatantes, où la misère était chaude, où la grâce était triste, dernier cri d'un âge perdu, race lointaine qu'on disait venue de l'autre bout de la terre, et qui nous apportait dans le bruit de ses grelots, comme la vague souvenance et l'écho mourant des joies idolâtrées, quelque fourgon qui s'en va sur la grande route, ayant des toiles roulées sous son toit et des chiens crottés sous sa caisse, un homme, en veste jaune, escamotant la muscade dans des gobelets de fer blanc, les pauvres marionnettes des Champs-Élysées et les joueurs de guitare des cabarets hors barrière, voilà tout ce qui en reste. Il est vrai qu'il nous est survenu en revanche beaucoup de facéties d'un comique plus relevé. Mais le nouveau grotesque vaut-il l'ancien ? Est-ce que vous préférez Tom Pouce ou le musée de Versailles ? Sur une estrade de bois qui faisait le balcon d'une tente carrée de toile grise, un homme en blouse jouait du tambour. Derrière lui se dressait une large pancarte peinte représentant un mouton, une vache, des dames, des messieurs et des militaires. C'étaient les deux jeunes phénomènes de Guérande, porteurs d'un bras, quatre épaules. Leur même montreur ou éditeur criait à se lancer les poumons par la bouche et annonçait, outre ces deux belles choses, des combats d'animaux féroces qui allaient commencer à l'heure même. Sous l'estrade, on voyait un âne. Trois ours roupillaient à côté et des aboiements de chiens partant de l'intérieur de la baraque se mêlaient au bruit sourd du tambour, aux cris saccadés du propriétaire des jeunes phénomènes et à ceux d'un autre drôle, non pas trapu, carré, jovial et gaillard comme lui, mais grand et maigre, de figure sinistre et vêtu d'une plaude en lambeaux. C'est son associé. Ils se sont rencontrés en route et ont uni leur commerce. L'un a apporté les ours, l'âne et les chiens, l'autre les deux phénomènes et un chapeau de feutre gris qui sert dans les représentations. Le théâtre a découvert sous le ciel a pour muraille la toile grise qui frissonne au vent et s'en irait sans les pieux qui la retiennent. Une balustrade contenant les spectateurs règne le long des côtés de l'arène où, dans un coin à part, grignotant une botte de foin déliée, nous reconnaissons en effet les deux jeunes phénomènes recouverts de leurs housses magnifiques. Au milieu est fiché en terre un long poteau, et, de place en place, à d'autres morceaux de bois plus petits, des chiens sont attachés avec des ficelles, s'y démènent et tirent dessus, en aboyant. Le tambour bat toujours, on crie sur l'estrade, les ours grognent, la foule arrive. On commença par amener un pauvre ours, aux trois quarts paralytique, et qui semblait considérablement ennuyé. Muselé, il avait de plus autour du cou un collier d'où pendait une chaîne de fer, un cordon passé dans les narines pour le faire docilement manœuvrer, et sur la tête une sorte de capuchon de cuir qui lui protégeait les oreilles. On l'attacha au mât du milieu. Alors ce fut un redoublement d'aboiements aigus, enroués, furieux. Les chiens se dressaient, se hérissaient, grattaient la terre, la croupe en haut, la gueule basse, les pattes écartées, et dans un angle, vis-à-vis l'un de l'autre, les deux maîtres hurlaient pour les mieux exciter. On lâcha d'abord trois dogues. Ils se ruèrent sur l'ours qui commença à tourner autour du poteau, et les chiens couraient après, se bousculant, gueulant, tantôt renversés, à demi écrasés sous ses pattes, puis se relevant aussitôt et bondissant, se suspendre à sa tête qu'il secouait en vain, sans pouvoir se débarrasser de cette couronne de corps endiablés qui s'y tordait et le mordait. L'œil fixé sur eux, les deux maîtres guettaient le moment précis où l'ours allait être étranglé. Alors ils se précipitaient dessus, les en arrachaient, les tiraient par le cou pour leur faire lâcher prise, leur mordaient la queue. Ils geignaient de douleur, mais ne cédaient pas. L'ours débattait sous les chiens mordaient l'ours, les hommes mordaient les chiens. Un jeune bouledogue, entre autres, se distinguait par son acharnement. Cramponné par les crocs à l'échine de l'ours, on avait beau lui mâcher la queue, la lui plier en double, lui presser les testicules, lui déchirer les oreilles, il ne lâchait point, et l'on fut obligé d'aller chercher un louchet pour lui desserrer les dents de force. Quand tout était séparé, chacun se reposait. L'ours se couchait, les chiens haletaient la langue pendante, les hommes, en sueur, se retiraient d'entre les dents les brins de poils qui y étaient restés, et la poussière soulevée par la mêlée s'éparpillait dans l'air et retombait alentour sur les têtes du public. On amena successivement deux autres ours, dont l'un imitait le jardinier, allait à la chasse, valsait, mettait un chapeau, saluait la compagnie et faisait le mort. Après lui vint le tour de l'âne. Il se défendit bien. Ses ruades lançaient au loin les chiens comme des ballons. Serrant la queue, baissant les oreilles, allongeant le museau, il courait vite et tâchait toujours de les ramener sous ses pieds de devant pendant qu'ils tournaient autour de lui et lui sautaient sous la mâchoire. On le retira néanmoins fort essoufflé, grelottant de peur et couvert de gouttes de sang qui coulaient le long de ses jambes rendues galeuses par les cicatrices de ses blessures et mouillaient avec la sueur la corne usée de ses sabots. Mais le plus beau fut le combat général des chiens entre eux. Tous y étaient, grands, petits, chiens-loups, bouledogues, les noirs, les blancs, les tachetés et les roux. Un bon quart d'heure se passa préalablement à les animer l'un contre l'autre. Les maîtres, les tenant dans leurs jambes, leur tournaient la tête vers leurs adversaires et la leur oxonnaient avec violence. L'homme maigre surtout travaillait de tout cœur. Il tirait de sa poitrine, par une secousse brutale, un jet de voix rauque, éraillée, féroce, qui inspirait la colère à toute la bande irritée. aussi sérieux qu'un chef d'orchestre à son pupitre, il absorbait en lui cette harmonie discordante, la dirigeait, la renforçait. Mais quand les dogues étaient déchaînés et qu'ils s'entre-déchiraient, tous en hurlant, l'enthousiasme le prenait. Il se délectait, ne se reconnaissait plus. Il aboyait, applaudissait, se tordait, battait du pied, faisait le geste d'un chien qui attaque, se lançait le corps en avant comme eux, secouait la tête comme eux. Il aurait voulu mordre aussi, qu'on le mordît, être chien, avoir une gueule pour se rouler là-dedans, au milieu de la poussière, des cris et du sang, pour sentir les crocs dans les peaux velues, dans de la chair chaude, pour nager en plein dans ce tourbillon, pour s'y débattre de tout son cœur. Il y eut un moment critique quand tous les chiens, l'un sur l'autre, tas grouillants de pattes, de reins, de queues et d'oreilles, qui oscillaient dans l'arène sans se désunir, allèrent donner contre la balustrade, la cassèrent et menacèrent d'endommager dans leur coin les deux jeunes phénomènes. Leur maître pâlit, fit un bond et l'associé accourut. C'est là qu'on mordit bien vite les queues, qu'on donna des coups de poing, des coups de pied, qu'on se dépêchait, qu'on allait. Les chiens empoignés n'importe par où, tirés du groupe et jetés par-dessus l'épaule, passaient dans l'air comme des bottes de foin qu'on engrange. Ce fut un éclair. Mais j'ai vu l'instant où les deux jeunes phénomènes allaient être avalés à l'état de beefsteak, et j'ai tremblé pour le bras qu'ils portent sur le dos. Émus de cette algarade, sans doute, ils firent des façons pour se laisser voir. La vache reculait, le mouton donnait des coups de corne, enfin on releva leurs housses vertes à franges jaunes. Leur appendice fut exhibé, et ainsi se termina la représentation. Ce genre de littérature, aussi littéraire que beaucoup d'autres, après tout, est fort goûté à Brest. La seconde fois que nous y retournâmes, un bourgeois de la ville avait amené son chien pour combattre, et un artilleur se disposait à lutter contre les trois ours. Malheureusement, il passa par là un sergent qui le fit rentrer à la caserne. Le public fut indigné, et nous aussi. Que voir ensuite à Brest? Et qui a-t-il? Des maisons fort bêtes, un théâtre où l'on ne joue pas, et si l'on jouait? Des églises déplorables, une place d'armes carrée, puis une promenade, fort belle, il est vrai, ayant vue sur la mer et plantée de grands arbres, où se réunit le soir la bonne société de l'endroit. De l'autre côté du port se trouve l'ancien quartier de Recouvrance. On gravit une grande rue droite dont le milieu est occupé par une file d'échoppes de brocanteurs et de marchands de ferraille, et l'on arrive enfin sur l'esplanade des derniers remparts. Ce jour-là, le ciel était sans nuages, tout bleu, la mer aussi. À l'entrée de la rade, la brise du large donnant contre les récifs faisait s'étendre sur tout ce côté de l'horizon une longue ligne blanche. Les bâtiments à l'ancre se tenaient immobiles. Près de nous, appuyé contre une meurtrière, un marin regardait avec une longue vue. Un homme du peuple en chemise traînait un petit enfant dans un chariot. Les gamins jouaient dans les fossés. Les orties verdoyaient au pied des murs et le soleil brillait dans les buffleteries de cuivre des sentinelles. La campagne qui entoure Brest n'a pas la sauvagerie silencieuse des environs de Crozon et de Landévennec. Mais les arbres sont plus nombreux, plus verts, presque noirs. Jusqu'au Conquet, la route, comme nageant dans la verdure, monte et descend, tourne au flanc des collines, coupe des prairies, enfile entre de grands genêts. Ne vous arrêtez pas à Locriste pour voir le tombeau de Michel Noblets, car l'église est détestable, le tombeau stupide, et Michel Noblets ressemble à saint Vincent de Paul, qui n'était pas un bel homme. Le Conquet lui-même, grand bourg paisible, dont les habitants semblent partis, ne vaudrait pas la peine de s'être dérangé pour le voir s'il n'y avait non loin l'abbaye démantelée de Saint-Mathieu. À découvert sous le ciel, la nef déserte reçoit la pluie, et à la place des dalles, entre les colonnes où s'enroulent au chapiteau des torses historiés, une herbe épaisse a poussé, les murailles nues ont une couleur de suie et de bronze dont les tons tranchants se fondent l'un dans l'autre, et qui, capricieusement, s'allongent sur la pierre comme les lambeaux inégaux d'une draperie déchirée. À d'autres places, de fines traînées d'herbe descendant de toute la hauteur de l'église, semblent couler comme de grandes larmes. Le vent de la mer, dont les vagues battent la base de l'édifice, entre par l'ogive des fenêtres sans vitrail, où les courlis perchent sur le bord. Elle n'a qu'un bas-côté, et de l'autre de ses flancs, deux contre-nefs plus basses. Les piliers carrés et les colonnes rondes s'alternent. La maîtresse voûte s'appuyait sur des faisceaux de colonnettes. Près du phare qu'on a bâti là, dans une cour fermée, d'une claire-voie, il y a des choux, du chanvre et des poireaux. Au phare de Brest, ici se termine l'ancien monde. Voilà son point le plus avancé, sa limite extrême. Derrière vous est toute l'Europe, toute l'Asie. Devant vous, c'est la mer, et toute la mer. Si grands qu'à nos yeux soient les espaces, ne sont-ils pas bornés toujours dès que nous leur savons une limite? Ne voyez-vous pas, de nos plages, par-delà la Manche, les trottoirs de Brighton, et des bastides de Provence, n'embrassez-vous pas la Méditerranée entière, comme un immense bassin d'azur, dans une conque de rochers que cisèlent sur ses bords les promontoires couverts de marbre qui s'éboulent, les sables jaunes, les palmiers qui pendent, les sables, les golfes qui s'évasent? Mais ici, plus rien n'arrête. Rapide comme le vent, la pensée peut courir, et s'étalant, divagant, se perdant, elle ne rencontre comme eux que des flots. Puis, au fond, il est vrai, tout au fond, là-bas, dans l'horizon des rêves, la vague Amérique, peut-être des îles sans nom, quelques pays à fruits rouges, à colibris et à sauvages, où le crépuscule muet des pôles avec le jet d'eau des baleines qui soufflent, où les grandes villes éclairées en verre de couleur, le Japon, au toit de porcelaine, la Chine, avec des escaliers à jour, dans des pagodes à clochettes d'or. C'est ainsi que l'esprit, pour rétrécir cet infini dont il se lasse sans cesse, le peuple et l'anime. On ne songe pas au désert sans les caravanes, à l'océan sans les vaisseaux, au sein de la terre sans les trésors qu'on lui suppose. Nous nous en revîmes au Conquet par la falaise. Les vagues bondissaient à sa base, à courant du large, elles se heurtaient contre et couvraient ensuite de leurs nappes oscillantes les grands blocs immobiles. Une demi-heure après, emportés dans notre char à banc par deux petits chevaux presque sauvages, nous regagnions Brest, d'où le surlendemain nous partîmes avec beaucoup de plaisir. En s'écartant du littoral et en remontant vers la Manche, la contrée change d'aspect. Elle devient moins rude, moins celtique. Les dolmens se font plus rares, la lande diminue à mesure que les blés s'étendent, et peu à peu l'on entre ainsi dans ce fertile et plat pays de Léon, qui est, comme l'a si aimablement dit M. Pitre Chevalier, l'Attique de la Bretagne. Landerneau est un pays où il y a une promenade d'ormeaux au bord de la rivière, et où nous vîmes courir dans les rues un chien effrayé qui traînait à sa queue une casserole attachée. Pour aller au château de la Joyeuse Garde, il faut d'abord suivre la rive de l'Élorne, et ensuite marcher longtemps dans un bois par un chemin creux où personne ne passe. Quelquefois le taillis s'éclaircit, alors à travers les branches, la prairie paraît, ou bien la voile de quelque navire qui remonte la rivière. Notre guide marchait devant nous, loin, écarté. Seuls ensemble, nous foulions ce bon sol des bois où les bouquets violets des bruyères poussent dans le gazon tendre, parmi les feuilles tombées. On sentait les fraises, la framboise et la violette. Sur le tronc des arbres, les longues fougères étendaient leurs palmes grêles. Il faisait lourd, la mousse était tiède. Caché sous la feuillée, le coucou poussait son cri prolongé. Dans les clairières, des moucherons bourdonnaient en tournoyant leurs ailes. Tranquille d'âme et balancée par la marche, épanchant à l'aise nos fantaisies causeuses qui s'en allaient comme des fleuves par de larges embouchures, nous devisions des sons, des mots, des couleurs. Nous parlions des maîtres, de leurs œuvres, des joies de l'idée. Nous songions à des tournures de style, à des coins de tableaux, à des airs de tête, à des façons de draperie. Nous nous redisions quelques grands vers énormes, beautés inconnues pour les autres, qui nous délectaient sans fin. Et nous nous répétions le rythme, nous en creusions les mots, le cadençant si fort qu'il en était chanté. Puis, c'étaient les lointains paysages qui se déroulaient, quelques splendides figures qui venaient, des saisissements d'amour pour un clair de lune d'Asie se mirant sur des coupoles, des attendrissements d'admiration à propos d'un mot, ou la dégustation naïve de quelques phrases en relief trouvées dans un vieux livre. Et couché dans la cour de Joyeuse Garde, près du souterrain comblé, sous le plein cintre de son arcade unique que revêtent les lierres, nous causions de Shakespeare et nous nous demandions s'il y avait des habitants dans les étoiles. Puis nous partîmes, n'ayant guère donné qu'un coup d'œil à la demeure ruinée du bon Lancelot, celui qu'une fée enleva à sa mère et qu'elle nourrit au fond d'un lac dans un palais de pierreries. Les nains enchanteurs ont disparu, le pont-levis s'est envolé, et le lézard se traîne où se promenait jadis la belle Geneviève, songeant à son amant parti en Trébizonde combattre les géants. Nous revînmes dans la forêt par les mêmes sentiers. Les ombres s'allongeaient, les broussailles et les fleurs ne se distinguaient plus, et les montagnes basses d'en face grandissaient leurs sommets bleuâtres dans le ciel qui blanchissait. La rivière, contenue jusqu'à une demi-lieue en deçà de la ville dans des rives factices, s'en va ensuite comme elle veut et déborde librement dans la prairie qu'elle traverse. Sa longue courbure s'étalait au loin, et les flaques d'eau que colorait le soleil couchant avaient l'air de grands plats d'or oubliés sur l'herbe. Jusqu'à la roche Maurice, les lornes serpentent à côté de la route qui contourne la base des collines rocheuses dont les mamelons inégaux s'avancent dans la vallée. Nous la parcourions au petit trot dans un cabriolet paisible qu'un enfant conduisait assis dans le brancard. Son chapeau sans cordon s'envolait au vent et dans les stations qu'il fallait faire pour descendre le ramasser, nous avions tout le loisir d'admirer le paysage. Le château de la Roche-Maurice était un vrai château de Burgrave, un nid de vautours au sommet d'un mont. On y monte par une pente presque à pic, le long de laquelle, de place en place, des blocs de maçonnerie éboulés servent de marche. Tout en haut, par un pan de mur fait de quartiers plats posés l'un sur l'autre et où tiennent encore de larges arcs de fenêtres, on voit la campagne, des bois, des champs, la rivière qui coule vers la mer, le ruban blanc de la route qui s'allonge, les montagnes dentelant leurs crêtes inégales et la grande prairie qui les sépare en se répandant au milieu. Un fragment d'escalier mène encore à une tour démantelée. Çà et là, les pierres sortent d'entre les herbes et la roche se montre entre les pierres. Il semble parfois qu'elle a d'elle-même des formes artificielles et que la ruine, au contraire, plus elle s'éboule, revêt des apparences naturelles et rentre dans la nature. D'en bas, sur un grand morceau de muraille, monte un lierre. Mince à sa racine, il va s'élargissant en pyramide renversée, et à mesure qu'il s'élève, assombrit sa couleur verte qui est claire à la base et noire au sommet. À travers une ouverture dont les bords se cachaient sous le feuillage, le bleu du ciel passait. C'était dans ces parages que vivait le fameux dragon, tué jadis par le chevalier d'Érien qui s'en revenait de la Terre Sainte. Il se mit à l'attaquer dès qu'il eut, il est vrai, retiré de l'eau l'infortuné Elorne, qui, après avoir livré successivement ses esclaves, ses vassaux, ses serviteurs, il ne lui restait plus que sa femme et son fils, venait de se jeter lui-même du haut de sa tour, la tête en bas, dans la rivière. Mais le monstre, mortellement blessé et lié par l'écharpe de son vainqueur, alla bientôt, sur son ordre, se noyer dans la mer, à Poulboinzoual, ainsi que l'avait été sur le commandement de Saint-Paul de Léon le crocodile de l'île de Bas, lié par l'étole du Saint-Breton, comme le fut plus tard la gargouille de Rouen par celle de Saint-Romain. Qu'ils étaient beaux, vraiment, ces vieux dragons horrifiques, endentés jusqu'au fond de la gueule, vomissant des flammes, couverts d'écailles, avec une queue de serpent, des ailes de chauve-souris, des griffes de lion, un corps de cheval, une tête de coq, et retirant au basilic. Et le chevalier aussi, qui les combattait, était un rude sire. Son cheval, d'abord, se cabrait et avait peur. Sa lance se brisait en morceaux contre les écailles de la bête, et la fumée de ses naseaux l'aveuglait. Il mettait enfin pied à terre, et après tout un grand jour, l'atteignait sous le ventre, d'un coup d'épée, laquelle restait enfoncée jusqu'à la garde. Un sang noir sortait à gros bouillons, puis le peuple reconduisait triomphalement le chevalier, qui devenait ensuite roi du pays et épousait une belle dame. Mais eux, d'où venaient-ils? Qui les a faits? Était-ce le confus souvenir des monstres d'avant le déluge? Est-ce sur la carcasse des ichthyosaures et des ptéropodes qu'ils furent rêvés jadis, et que l'épouvante des hommes a entendu dans les grands roseaux marcher le bruit de leurs pieds et leurs voix mugir quand le vent s'engouffrait dans les cavernes? Ne sommes-nous pas d'ailleurs dans le pays des chevaliers de la table ronde, la contrée des fées, la patrie de Merlin, le berceau mythologique des épopées disparues? Sans doute qu'elle révélait ces vieux mondes devenus fantastiques, qu'elle nous disait quelque chose des villes englouties, Is, Herbadilia, lieux splendides et féroces, pleins des amours des reines enchanteresses, et qu'ont doublement effacé à tout jamais la mer qui a passé dessus avec la religion qui en a maudit la mémoire. Il y aurait là beaucoup à dire. Sur quoi, en effet, n'y a-t-il pas à dire, si ce n'est sur l'indivisio? Toutefois, l'homme le plus prolixe étant forcé d'être concis quand la matière lui manque. Je remarque que les bons pays sont généralement les plus laids. Ils ressemblent aux femmes vertueuses. On les estime, mais on passe outre pour en trouver d'autres. Voici, certes, le coin le plus fertile de la Bretagne. Les paysans semblent moins pauvres, les champs mieux cultivés, les colzas magnifiques, les routes bien entretenues, et c'est ennuyeux à périr. Des choux, des navets, beaucoup de betteraves et démesurément des pommes de terre, tous régulièrement enclos dans des fossés, couvrent la campagne, depuis Saint-Paul-de-Léon jusqu'à Roscoff. On en expédie à Brest, à Rennes, jusqu'au Havre. C'est l'industrie du pays. Il s'en fait un commerce considérable. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi? Croyez-vous que ça m'amuse? À Roscoff, on voit la mer. Elle découvre devant les maisons sa grève vaseuse, se courbe ensuite dans un golfe étroit et au large est toute tachetée d'îlots noirs, bombés comme des dos de tortue. La campagne des environs de Saint-Paul est d'une tristesse froide. La teinte morne des terres lentement onduleuses se fond sans transition dans la pâleur du ciel, et la courte perspective n'a pas de grandes lignes dans ses proportions ni de changement de couleur sur ses bords. Ça et là, en allant dans les champs, vous rencontrez derrière un mur de pierre grise quelques fermes silencieuses, manoirs abandonnés, où les maîtres ne viennent pas. Dans la cour, sur le fumier, les pourceaux dorment, les poules grignotent l'avoine entre les dalles disjointes sous le plein cintre de l'entrée dont l'écusson ciselé est rongé par le grand air. Dans les pièces vides qui servent de grenier, le plâtre des plafonds s'en va avec des restes de peinture ternis par la toile des araignées que l'on voit courir sur les lambourdes. Le réséda sauvage a poussé sur la porte de Kersalion, où se dresse encore près de la tourelle une fenêtre à pinacle flanquée d'un lion et d'un hercule sortant d'un mur comme des gargouilles. À Kerjan, dans le grand escalier tournant, j'ai heurté un piège à loup. Des socs de charrues, des fers de bêche rouillés et des graines sèches dans les calebasses gisent au hasard sur le parquet des chambres ou encombrent les grands sièges de pierre dans l'embrasure des fenêtres. Kérousséré a conservé ses trois tourelles à Machicoulis, et l'on reconnaît encore dans la cour le large sillon des douves qui, montant petit à petit, en gagne le niveau, ainsi que sur l'onde le sillage d'une barque qui s'efface en s'étalant. De la plateforme de l'une des tours, les autres ont des toits pointus, on découvre la mer au bout d'un champ, entre deux collines basses couvertes par ses bois. Les fenêtres du premier étage, à moitié bouchées pour que la pluie n'entre pas, plongent sur un jardin clos de grands murs. Le chardon couvre le gazon, et dans les plates-bandes on a semé du blé qu'entourent des bordures de rosiers. Entre un champ où les têtes mûres des épis se courbaient ensemble et un rideau d'ormeaux planté sur le haut bord d'un fossé, un sentier mince s'allongeait parmi les broussailles. Les coquelicots éclataient dans les blés. De la berge du haut bord, des fleurs et des ronces s'échappaient des orties, des églantiers, des tiges garnies de dards, des grosses feuilles à peau luisante, des murs noirs, des digitales pourprées unissant leurs couleurs, enchevêtrant leurs branches, montraient leurs feuillages divers, lançaient leurs rameaux inégaux, et sur la poudre grise croisaient comme un filet toutes leurs ombres. Quand on a traversé une prairie où tourne, embarrassée dans les joncs, la roue d'un vieux moulin dont il faut longer la muraille en marchant sur de grosses pierres mises dans l'eau pour servir de pont, on se retrouve bientôt sur la grande route de Saint-Paul, au fond de laquelle se dresse, tailladée sur tous ses angles, la flèche du clocher de Cresquer. Fine, élancée et s'appuyant sur une tour surmontée d'une balustrade, de loin elle fait le meilleur effet du monde. Mais plus on en approche, elle se rapetisse et s'enlaidit, et l'on ne trouve enfin qu'une église, comme toutes les églises, ayant même un porche vide d'où les statues sont parties. La cathédrale aussi est d'un gothique lourd, empâté d'ornements, chamarré de broderies. Mais il y a à Saint-Paul quelque chose de pire encore. C'est la table d'hôte de son auberge. Elle était servie cependant par une avenante donzelle qui, avec ses boucles d'oreilles sur un cou blanc, son bonnet à barbe retroussée comme les soubrettes de Molière, et ses vifs yeux bleus surtout, vous aurait bien donné envie de lui demander autre chose que des assiettes. Mais les convives, quels convives ! Tous habitués. Le haut bout était tenu par un être revêtu d'une veste de velours et d'un gilet de cachemire. Il aimait à passer sa serviette dans les bouteilles entamées pour les reconnaître. C'est lui qui sert la soupe. À sa gauche, mangeait, le chapeau sur la tête, une espèce de monsieur en redingote gris clair orné aux parements et aux collets d'une laine noire frisottée en manière de fourrure et qui est professeur de musique au collège de la ville. Mais la musique le fatigue, il en a assez. Il désire trouver une place, n'importe laquelle, de 800 à 1200 francs, pas davantage. Il tient peu à l'argent, plus à la considération. C'est une position seulement qu'il désire. Comme il arrivait toujours le repas commencé, il se faisait remonter les plats, les renvoyait, puis éternuait fort, crachait loin, se dandinait sur sa chaise, chantonnait tout bas, se couchait sur la table et faisait claquer son cure-dent. Toute la société le respecte. La servante l'admire parler et en est, je suis sûr, amoureuse. La bonne opinion qu'il a de lui-même sort de son sourire, de ses paroles, de son silence, de ses gestes, de sa coiffure, et ruisselle comme une sueur sur toute sa sale personne. En face de nous, un petit homme grisonnant, frisé, grassouillé et courtot, à pattes rouges, à lèvres épaisses et salivantes, et dont la voix glapissait, tout en mâchant sa nourriture, nous regardait d'une telle façon que nous nous retenions beaucoup pour ne pas lui jeter les carafes par la tête. Quant au reste, il faisait galerie et contribuait à l'ensemble. Un soir, l'entretien roula sur une dame des environs qui, ayant jadis décampé du domicile, s'était enfuie en Amérique avec son amant et qui, la semaine précédente, traversant Saint-Paul pour rentrer dans son pays, s'était arrêtée à l'auberge. On s'étonnait de cette audace et l'on accompagnait son nom de toutes sortes d'épithètes. On repassait sa vie entière, on riait de mépris, on l'injuriait, quoique absente. On s'animait tout rouge, on aurait voulu la tenir là pour lui dire un peu son fait, pour voir ce qu'elle aurait répondu. Déclamations contre le luxe et scandales vertueux, haine de la toilette et maximes morales, mots à double entente et haussements d'épaules, tout fut employé à l'envi pour accabler cette femme qui, en jugeait au contraire par l'acharnement de ses rustres, devait être de manières élégantes, de nature relevée, avoir des nerfs délicats et sans doute quelques jolies figures. Malgré nous, le cœur nous battait de colère, et si nous eussions fait à Saint-Paul un dîner de plus, infailliblement il nous serait arrivé quelque aventure. Gustave Flaubert. Ici se termine Par les chemins et par les grèves, chapitres 8 et 9, enregistré par Christiane Jehan.